producteur de nombreux tubes aux textes incitant à divers actes illégaux. Arrêté en 1990 pour racket, non-paiement des impôts et récidive de corruption. Vous avez payé les stations de radio pour qu'elles diffusent vos disques. Si c'est pas honteux. Écoute ça. On vient d'effectuer une centaine d'arrestations pour ivresse sur la voie publique, possession et usage de diverses substances illicites, ok? Et il y a ce promoteur Ramon qui dit que toutes ces personnes étaient venues pour t'écouter toi. Je ramène du gangsta rap, je veux faire péter les watts. Je ramène du sang lourd comme ce frigidaire sur ta tête. Sur ma tête tu te gourres, j'arrive seul, seul. Te spie comme les balles, te transperce les sapoils. Ne gueule au carnaval, avale mon sou. Je me permets de sauver ta vie comme Sinatra par la mafia. Je rappe dans la street, je rêve de l'Olympia Zobanyama. Tu crois que moi je suis comme eux, t'es les rides ou pas, je te tiens par les cheveux. Qu'est-ce que tu veux, neveu? Sur ce beat, je te piétine une balle sur la poitrine. Dans la rue, j'ai mon disque de platine. Je te mets sous quarantaine. En 92, mais ce grand j'explose. Les putes qui passent en tête ma pute dans la rue j'expose. Alors ferme ta gueule si tu crois que je te cause, nigga. Je crois que t'es enceinte, je débarque dans le rap français comme la pilule du lendemain. Suck my dick, nigga. Una canción más sombre que te mata. Vas-y, écoute ça. Escúchala, ella viene de la calle. Dangereux pour toi, mec. Un sonido más sombre que te mata. Escúchalo si no quieres, ay, para. Dangereux pour toi, mec. J'suis un rappeur hardcore. Et nique ta mère, j'mets tout le monde d'accord. J'ai grandi parmi des thugs comme Tupac. Ma vie est morose, alors si tu testes, j'te plaque. J'ai pas de blabla, j'mets des claques. Même si tu peux pas test avec le King Black. Les lyrics tu tords le cou, je n'en frac. Mais laisse-moi te dire un truc. J'suis ce putain de Zaïro abrut que la France n'ait jamais eu. Plus j'avance, plus la terre tremble. Je laisse prendre l'avance par derrière, j'te trangle. J'suis loin, trop loin comme le triangle de Bermude. J'te laisse pas le temps, j'rapplique. Un rap pas pudique, des balles, je te crie. J't'enseigne ma bim, c'est toi ma putain de cible. J'sors ce putain de rap horrible, tu sais. Visiblement, j'crois que tu pètes un physique. Fuck you, nigga. J'te f*** toi et tes potes. Et en plus, tu crois que ton rap est crédible. Fuck you, nigga. Una canción más hombre que te mata. T'as compris ou pas? T'as compris? Escúchala, ella viene de la calle. Un sonido más hombre que te mata. Bueno, escúchalo si no quieres, ay, para. Négro, je t'aide à mourir, je laisse en chien, laisse-moi sourire. Des rafales de bite dans le huc, moi je hulk et vos détroducs. Nègre, je t'éduque, je reviens sale comme les putes qui donnent le huc sur la dalle. Et ouais, j'ai la dalle. Si tu crois que je te perds, c'est que non. Non, je t'électrocute, alors t'occupes quand on fuck les cops. Si t'entends le bang bang, on est souvent dans les gangbangs, tu sais. Je fais doigt avec le gant du bandit, pute. Des mecs comme toi, je les shoot. On joue au foot avec ton crâne, je suis le bamboula à la banane. Qui te met des bananes, de qui chasse à Paname. C'est du sang pour les délinquants. Là où en hiver, on te laisse en sang au balcon. Là où on devant le daron, traîne en équipe de 6 soit 7. Certains roulent en 607, d'autres cachent la bœuf dans les pompes sans chaussettes. Interdit au porc, on mange pas le saucisson sec, tu sais. Una canción más hombre que te mata. Là, je crois que t'as compris là. Escúchala, ella viene de la calle. Trop dingue. Un sonido más hombre que te mata. Marche pour toi, escúchalo.